Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Jason a 22 ans, il habite à Mazamet dans le Tarn et a eu envie d'entendre parler de l'impératrice Eugénie. Franck Ferrand n'a pas eu à se forcer beaucoup pour lui faire plaisir. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour Jason, bonjour à tous. Je suis ravi en effet d'évoquer la figure d'Eugénie, de convoquer cet esprit léger et cette ombre furtive qui fréquente encore les beaux jardins embaumés de la Côte d'Azur. Les éditions Somogy ont offert à Étienne Chilot une belle occasion puisqu'ils lui ont confié le soin de nous raconter le quotidien de la dernière impératrice des Français dans sa villa et ses jardins de Cap-Martin. Je suis ravi qu'il ait pu être des nôtres cet après-midi. Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Bastien via le site internet d'Europe 1. Bastien s'interroge sur les origines des méthodes de substitution à l'allaitement, les nourrices, les biberons, etc. Oui, c'est assez amusant, c'est puisqu'on évoquait hier rapidement, c'est vrai, cette question à propos de Jean-Jacques Rousseau qui conseillait aux mamans d'allaiter leur progéniture. Alors je ne sais pas si l'impératrice Eugénie a allaité le prince impérial, à mon avis elle en a confié le soin à des nourrices, mais enfin, c'est pas une certitude, cela dit, il faudrait aller vérifier ça. Elle nous attend, l'impératrice, au Cap Martin. Ne la faisons pas attendre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Quand on parle en France d'une impératrice, c'est généralement Joséphine qui vient à l'esprit. À défaut, la seconde épouse de Napoléon Ier, l'impératrice Marie-Louise. Et pourtant, l'impératrice des Français qui aura le plus marqué le pays de son empreinte est la belle Eugénie de Montijo, comtesse de Thébas, d'origine espagnole comme son nom l'indique assez, et qui épousa Napoléon III au tout début du Second Empire, le 30 janvier 1853. L'impératrice Eugénie a donné un héritier au régime en la personne du prince impérial. Il est né en 1856, Loulou comme elle le surnommera. Elle a présidé à toutes les charités nationales pendant plus de 15 ans. Elle a assumé deux fois la régence. Elle a eu une influence politique dont Maurice Paléologue nous a appris à mesurer tous les effets. Elle a conduit et animé cette fête impériale qui a laissé le souvenir des séries de Compiègne et des excursions à Biarritz. La taille, la prestance, le port altier de l'impératrice, son tendre regard mauve, ses manières extrêmement gracieuses ont marqué une ou deux générations. Et puis on a l'impression que tout ça s'est un peu évanoui dans la mémoire collective et l'on surprend souvent les gens en leur rappelant, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Wendy Bouchard, que la dernière impératrice a survécu 50 ans à l'effondrement du régime et qu'elle ne s'est éteinte, très âgée, très respectée, qu'en 1920 seulement. Pour les Français, elle était, disons-le, un peu morte au moment du désastre de Sedan et de la chute du Second Empire. En 1792, les Parisiens avaient hurlé, avaient beuglé « Abat l'Autrichienne » contre Marie-Antoinette. Et bien, à peine 8 décennies plus tard, en 1870, ils crient « Abat l'Espagnol » et l'impératrice est contrainte de quitter le palais des Tuileries. Il faut savoir qu'elle avait une vraie fascination, Eugénie, pour Marie-Antoinette. Elle avait d'ailleurs, à l'occasion de l'exposition universelle de 1867, elle avait organisé au Petit Trianon une exposition rétrospective qui est la toute première expo rétrospective qui ait eu lieu en France et qui était justement consacrée au goût de Marie-Antoinette, à la vie de Marie-Antoinette. Elle s'identifiait suffisamment à l'ancienne souveraine pour s'être fait à deux reprises peindre dans le même costume que la reine. Donc c'était, il y avait vraiment une sorte de contiguïté de destin et évidemment l'histoire va le montrer, même si la fin de l'impératrice est un peu moins tragique ou en tout cas un peu moins brutale que celle de la reine. Il faut savoir que, évidemment, dans l'entourage de Napoléon III, on avait la dent dure contre l'ancien roi des Français, Louis-Philippe, et que Eugénie avait dit à plusieurs reprises, on en a des témoignages, notamment chez la princesse de Metternich, qu'elle trouvait bien ridicule la façon dont Louis-Philippe avait quitté les Tuileries. Eh bien, le problème, c'est qu'elle va exactement vivre la même situation. Elle est obligée, elle aussi, après l'effondrement du Second Empire, donc on est en septembre 1870, elle est obligée de quitter le palais par la petite porte. Elle monte dans un fiacre de louage. Vous imaginez, elle qui a été habituée aux plus beaux équipages d'Europe. Elle monte dans un fiacre pour se réfugier chez qui elle peut. Elle choisit son dentiste, le docteur Evans, d'origine américaine. Et c'est le dentiste qui va la cacher dans son cabinet pendant toute une journée et qui va ensuite l'accompagner jusqu'à Deauville, où se trouve sa femme. Et de Deauville, elle pourra rejoindre la Grande-Bretagne. Il faut imaginer les conditions pour le moins spartiates de ce voyage. Hein. Un train, une carriole traînée par une jument et un poney. Ce voyage va être, et c'est le plus étonnant, le début d'une longue série qui seront évidemment, qui ne seront pas seulement des voyages de fuite ou des voyages politiques, mais aussi des voyages d'agrément. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, bien entendu. L'impératrice va retrouver son fils, va retrouver son mari, bien entendu. On cherche après la capitulation. Vous savez que Napoléon III va donc se réfugier lui aussi en Angleterre. Il souhaite s'installer dans un petit cottage avec des beaux windows et des plantes grimpantes, dit-il, avec cette tendresse pour l'Angleterre qu'ont généralement les exilés français. Elle s'installe dans un premier temps à Chislehurst, dans le Kent, au sud-est de Londres. La propriété s'appelle Camden Place. Et elle a été prêtée par un ami de son mari. Quand Napoléon III est donc libéré, il la rejoint en Angleterre. On est à l'époque de la Commune de Paris et ils vont s'installer comme ça en exil. En septembre 1871, c'est-à-dire un an juste après l'effondrement du régime, l'impératrice va quand même aller passer 2 mois en Espagne pour retrouver sa famille. Ensuite, elle est en Écosse avec son fils. Aucun souci de confort, hein. Des auberges de fortune, des lits douteux, des carrioles chaotiques, nous dit Jean Autain. Louis-Napoléon, son mari, ne supporte pas ce train de vie. Il faut vous dire qu'il est très malade, lui. Et ça a joué d'ailleurs un rôle absolument considérable dans le basculement de la campagne militaire de 1871. 70. Quant à Loulou, le petit, évidemment, il va assez vite se lasser lui aussi du régime trépidant de sa mère et ils vont se retrouver, le père et le fils, sur l'île de Wight. Le prince impérial va entrer à l'école militaire de Woolwich en 1872. C'est là qu'il apprend que son père est très gravement malade et le 9 janvier 1873, Napoléon III va mourir des suites d'une opération. Vous imaginez le deuil, évidemment, de la famille impériale en exil. En août 1873, l'impératrice se rend au château d'Arenenberg en Suisse, qui a connu d'ailleurs, qui a été l'une des résidences d'enfance de son défunt mari. Il y a là toute l'atmosphère à Arenenberg. On a l'impression que la reine Hortense est là, d'une certaine manière, et ça la console d'une certaine façon. On passe là tout l'été à Arenenberg, et puis l'impératrice se rend en Italie. Elle est veuve maintenant, et elle va faire du tourisme, disons-le. On est au tout début du tourisme. Elle fait une visite au roi d'Italie, Victor Emmanuel II, au palais Pitti de Florence. Elle réside elle-même à la villa Oppenheim de Florence. Elle se rend compte en fait que dans le grand salon du roi d'Italie, on a affiché que des portraits de dignitaires germaniques. C'était pas très malin, ça n'était pas très élégant de la part de la maison de Savoie en l'occurrence. Alors l'impératrice continue sa visite, elle visite Rome, elle fait les palais, les musées, etc. Elle va d'ailleurs rencontrer le pape qui est le parrain de son fils. Et puis ce seront Naples, Pompéi, Cumes, Capri, la Sicile, qu'importe les punaises dans les lits, les cafards dans les plats et la vermine un peu partout, nous dit Jean Autain. L'impératrice sait s'accommoder de tout. C'est là sa grande supériorité sur ceux qui l'accompagnent, comme Madame Le Breton, Marie de l'Armina, le docteur Conneau ou le comte Primoli, sans parler de son fils. Il supporte mal ces conditions médiocres et ce rythme endiablé qui, pensait-il, était l'apanage d'un seul Jacques Offenbach. Il faut courir de la Sicile à Malte, de Malte à Gibraltar et de Gibraltar à Malaga. C'est un peu le syndrome des veuves, ce goût d'un tourisme effréné. sur Europe 1 un extrait de La Grande Duchesse de Gerold Stein, interprété par les musiciens du Louvre. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de l'impératrice Eugénie. Ah pardon, oui, je croyais qu'un écran publicitaire allait suivre. Eh bien c'est à moi, tant mieux. Je vais pouvoir vous en dire davantage sur cette impératrice. Alors on la voit circuler un peu partout, elle est très bien reçue, il faut vous le dire, notamment par la reine et les infantes d'Espagne qui viennent l'accueillir lors de sa visite à Séville. C'est ça qui est assez étonnant chez l'impératrice Eugénie, c'est ce mélange d'extrême simplicité qui lui fait partager les conditions de voyage du simple touriste, du curieux habituel. Et puis en même temps, évidemment, ce statut d'ancienne impératrice des Français qui fait qu'elle est reçue quand même avec un certain protocole un peu partout. Alors, tout ça pourrait durer encore. Vous savez, si j'ose dire, avec le chagrin qui est le sien, bien entendu, d'avoir perdu son statut et d'avoir récemment perdu son mari. Mais en même temps, c'est assez joyeux, tous ces voyages. Et puis arrive le drame. Son fils lui avait annoncé, j'ai raconté ça à plusieurs reprises à ce même micro, il lui avait annoncé son intention de se battre dans l'armée britannique, qui à l'époque est en train de se battre avec les Zoulous en Afrique du, enfin contre les Zoulous en Afrique du Sud, vous savez. Eugénie est effondrée, mais elle ne veut pas non plus passer pour une mère abusive. Elle le laisse faire et la reine Victoria va donc accueillir à titre exceptionnel ce fils d'empereur des Français dans les rangs de l'armée britannique. Sauf que, vous savez ce qui va se passer ? On apprend le 19 juin 1879, alors que ça fait quelques mois que Loulou est parti avec ses camarades se battre en Afrique du Sud. On apprend, il faut le temps, bien sûr, aux nouvelles de revenir jusqu'en Europe à l'époque. On apprend la mort du prince impérial. Et donc, cette mère, déjà, cette femme qui était veuve, qui avait perdu toute sa situation, etc., va perdre ce qui était sa raison d'être et de vivre, son fils, son cher Loulou. C'est terrible. Le 11 juillet, le corps est rapatrié. Il va prendre place à côté de celui de son père à Camden Place. C'est terrible, bien entendu, pour l'impératrice Eugénie, qui dès lors va nourrir une véritable obsession. C'est de se rendre là-bas, sur place, en Afrique du Sud, pour aller rendre un dernier hommage à son fils, un peu comme dans un pèlerinage, d'une certaine manière. Elle le dit à son ami et secrétaire Pietri, « Je me sens attirée vers ce lieu de pèlerinage avec la même force que devaient éprouver les disciples du Christ pour les lieux saints, dit-elle. L'idée de voir, de parcourir les dernières étapes de la vie de mon enfant bien-aimé, de me trouver sur les lieux où s'est posé son dernier regard dans la même saison, de passer la nuit du 1er juin veillant et priant sur ce souvenir est un besoin de mon âme et un but dans ma vie. » Et quand l'impératrice Eugénie veut quelque chose, elle l'avait montré à l'époque où elle était sur le trône, elle l'avait même montré lorsqu'elle voulait épouser le prince président devenu empereur, elle l'obtient toujours, vous savez. Elle n'a qu'une idée, elle la suit et elle va monter donc cette expédition complètement, à l'époque, très hasardeuse. Vous imaginez, c'est un très long voyage jusqu'en Afrique du Sud où elle est accompagnée par un certain nombre de dignitaires de l'ancienne cour. Elle part le 25 mars, elle arrive sur place le 16 avril 1880. Quand je dis sur place, ça n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il faut maintenant trouver l'endroit où s'est effondré le pauvre Loulou face au Zoulou qui lui avait percé le corps de Saguet. Il s'était battu comme un lion, dira d'ailleurs un des témoins, un chef Zoulou qu'on interrogera. Ça veut dire qu'il s'est battu face aux adversaires. Il n'était pas du tout en fuite quand il est mort. L'impératrice va s'enfoncer dans la savane. Elle va chercher le cairn qu'avaient édifié les compagnons de son fils sur l'endroit du drame. Sauf que depuis, la végétation a repoussé, bien entendu, et on ne trouve pas l'endroit. « Je me demande comment, seule et sans guide, racontera-t-elle plus tard, j'ai pu marcher sans trébucher dans des routes ravinées où j'enfonçais jusqu'à la cheville. J'arrivais, après plusieurs heures de marche, à un carrefour. Là, je m'arrêtais, indécise. Le spectacle autour de moi était désolé. Seuls quelques roseaux s'élevaient dans un coin. La fatigue m'accabla soudain et dans cette demi-inconscience où j'étais plongé, je sentis tout à coup une bouffée d'odeur envahir mes narines, un parfum de verveine qui était le parfum préféré de mon pauvre enfant. Je crus entendre alors une voix, la voix bien-aimée qui murmurait à mon oreille, « C'est ici, maman. » Je compris et je m'agenouillai. Elle va planter un saule à l'emplacement de ce drame, un saule et un lierre dont elle avait rapporté les boutures de Camden Place, justement. On passe là la journée du 1er juin à prier et puis ce sera le retour. Elle va d'ailleurs vouloir s'arrêter à Sainte-Hélène pour rendre hommage au fondateur de la dynastie. Elle n'oublie pas qu'après tout, elle est la veuve de l'empereur Napoléon III. Un tempérament extraordinaire hein, chez cette femme. Vous voyez ce courage, cette suite dans les idées, cette fierté aussi qui va faire que malgré toutes ses difficultés, malgré toutes ses douleurs, elle va néanmoins surmonter les inconvénients de l'existence et elle va continuer à tracer sa voie. On la voit s'installer à Farnborough, elle lance des travaux importants. La chapelle de Chalcers était trop petite pour accueillir les deux sépultures, et y compris la sienne qu'elle est en train bien sûr de préparer. Il faut donc trouver un lieu plus digne, ce sera ce cottage de Farnborough qui se trouve à 35 miles au sud-ouest de Londres, une demeure de style gothique victorien avec un immense parc qu'elle appelle Compiègne, avec deux collines. Les travaux vont durer 4 ans et évidemment, après le transfert des dépouilles en janvier 1886, l'impératrice a bien l'intention de reprendre le fil de ses voyages. Elle se plaint de rhumatisme, de névralgie, de migraine, de toux et de maux de gorge, écrit Jean Autain. Un spécialiste hollandais, le docteur Metzger lui est recommandé. Elle se précipite à Amsterdam et y séjourne plusieurs semaines. Elle est au Cap Nord, puis en Méditerranée, à la cour de Windsor ou de Balmoral, enfin en son petit château d'Arenenberg. Elle va d'Italie en Espagne en passant par Paris. Les grands qui la boudaient hier, maintenant la recherchent. Elle est un témoin, elle sera bientôt la grand-mère du vieux monde. Et oui, plus les années passent, et plus c'est intéressant, évidemment, d'avoir une conversation avec celle qui a non seulement connu, mais animé, qui a été l'âme des cours de Compiègne, de Fontainebleau, des Tuileries à la grande époque. Vous imaginez, on est en pleine période de bouleversement politique, il y aura bientôt l'affaire Dreyfus, puis un peu plus tard encore la séparation de l'Église et de l'État, les débuts du syndicalisme et la montée du socialisme, le grand scandale de Panama dont elle suit toutes les nouvelles dans le journal. Nous touchons à un bouleversement complet de la société, dira-t-elle. Tout est usé, il n'y a pas moyen que cela continue à marcher ainsi en Europe, il faut un changement absolu. Tant qu'on avait de la religion, on était résigné et on souffrait en espérant le ciel. Mais maintenant, le nombre des mécontents s'augmente de jour en jour et bientôt ils auront le dessus. Il faut une révolution complète et c'est maintenant qu'il faudrait un génie pour arranger les choses. On a l'impression que l'impératrice nous parle aujourd'hui même. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH sur la page Facebook de l'émission ou encore par mail sur europe1.fr. Dans un court instant sur Europe 1, nous reviendrons à l'impératrice Eugénie avec vous, Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de l'impératrice Eugénie. Eh oui, en 1888, l'impératrice Eugénie fait l'acquisition d'un yacht qu'elle baptise Thistle, le chardon. Faut pas oublier qu'elle avait elle-même des origines en partie écossaises. Donc, le chardon, c'est le symbole de l'Écosse. C'est un peu le sien, d'une certaine manière. C'est un joli bateau, hein. 22 hommes d'équipage, une dizaine de cuisiniers, des maîtres d'hôtel, des valets, enfin, etc., bien entendu. Et sur ce navire de 544 tonneaux, l'impératrice va sillonner les mers. La mer est mon élément, a-t-elle dit à Maurice d'Ocagne. C'est mon remède par excellence à tous les maux physiques et moraux. Je voudrais toujours vivre en mer. Je sais bien que pour cela, on n'est pas loin de me regarder comme un peu folle. Oh, elle dira aussi que, vous savez, quand elle venait à Paris, elle prenait l'omnibus. Ça paraît complètement étonnant. Et elle dira que si elle ne craignait pas de passer pour folle, c'est à Maurice Paléologue qu'elle fait la confidence, elle prendrait volontiers l'aéroplane aussi. Vous imaginez l'impératrice Eugénie en avion. Tout ça est inouï. Alors, on la voit visiter la Haute-Égypte, elle se rend en Inde par le canal de Suez, qu'elle avait elle-même inauguré, rappelez-vous, au nom de son époux. Elle lance un voyage assez lent, mais qui est avorté parce qu'elle a une congestion pulmonaire qui va la bloquer au lit à Colombo. Et puis alors, elle se rend pas dans toutes les mers d'Europe. Hein. On la voit notamment, bien sûr, en Norvège, en Irlande. Elle va visiter l'île d'Elbe pour clore son fameux pèlerinage. C'est une sorte de vie de bohème qu'elle mène sur les mers. Et puis quand elle est à terre, alors là, en revanche, c'est l'impératrice qui est là. À Paris, elle séjourne à l'hôtel Continental, donc le long de ce jardin des Tuileries qui autrefois était ses jardins. Et moi, j'ai connu, figurez-vous, un monsieur qui, il y a donc bien longtemps, hein, c'était avant la guerre de 14, avait connu l'impératrice Eugénie. À l'époque, c'était un petit garçon. On lui disait, il y a une dame là-bas qui est habillée tout en noir, elle va te donner des bonbons, tu feras une petite courbette et tu lui diras merci beaucoup madame. Et c'était l'impératrice Eugénie. Voilà comment nous la décrit Jean Cocteau, qui la croise sur la Côte d'Azur. Elle portait une manière de soutane, un chapeau de paille sombre, une canne à béquilles. Elle était infatigable. Ses yeux étaient délavés. Il n'en restait qu'une vague tache bleu pâle encerclée de maquillage noir. Elle éclatait parfois d'un rire espagnol, ce rire qu'on entend aux arènes lorsque les femmes trépignent d'enthousiasme avec leurs petits pieds de bouc. « J'étais très jeune, dit Cocteau. L'impératrice était très vieille. Mon coup d'œil était donc celui de quelqu'un qui entre et qui regarde vite quelqu'un qui sort. » Elle est souvent sur la Côte d'Azur. Effectivement, elle a découvert les lieux... Enfin, elle ne les a pas découverts. Elle les a, je dirais plus exactement, redécouverts au milieu des années 1880. C'est Mérimée. Ça paraît fou, mais c'est Mérimée qui lui avait dit « Madame, vous êtes assez fragile des bronches pour profiter du climat de ce qu'on allait appeler la Riviera, de cette future Côte d'Azur ». Il lui avait conseillé d'aller s'installer là. Et elle est tombée amoureuse au tournant des années 1990 de Cap Martin, endroit absolument sublime. Elle fait son premier séjour d'ailleurs au Grand Hôtel, à Cyrnos, qui va être la villa qu'elle va faire bâtir et dont nous allons parler dans un instant avec mon invité. À Cyrnos, le goût de l'impératrice s'arrête au second empire, nous dit Jean Descartes. Fauteuil capitonné, rideau cramoisi, chaise noire, le théâtre de sa vie est en place. Eugénie a installé de grands tableaux de l'empereur au pied de l'escalier, des portraits de son fils. Alors elle vit là la vie, vous savez, de toute cette gentry internationale qui vient passer une partie de l'hiver sur la Riviera. Elle y croise d'ailleurs de très hautes personnalités, sa grande amie la reine d'Angleterre, Victoria bien entendu. Et puis l'impératrice d'Autriche, Élisabeth d'Autriche, qu'on appelle Sissi, vous savez, qui passe son temps elle aussi en voyage, qui fuit pas tout à fait les mêmes souffrances que celles de l'impératrice, mais on est un peu dans le même type de comportement. Et on rêve, évidemment, ça ferait sans doute une jolie pièce de théâtre ou pourquoi pas un joli film, on rêve de ces rencontres entre l'impératrice fuyante de l'Autriche et Hongrie, et il faut toujours préciser Hongrie quand on parle de Sissi, et puis l'ancienne impératrice des Français. Est-ce que la vieille dame donnait des conseils à la plus jeune? Est-ce que l'ancienne impératrice se permettait quelques idées en direction de la nouvelle? C'est une possibilité. En tout cas, personne ne nous a dit ce dont elle parlait. Personne n'était témoin à ces entretiens extraordinaires que nous allons revivre maintenant puisque nous prenons la direction de la Côte d'Azur, de Cap Martin et de la ville à Cyrnos. Bonjour Étienne Chilot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez publié un magnifique album avec des photos d'hier et d'aujourd'hui. On a l'impression d'être avec l'impératrice Eugénie. Ça tombe bien, elle est avec nous dans ce studio cet après-midi. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. C'est l'impératrice Eugénie qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Étienne Chilot, historien, spécialiste de la chute des monarchies européennes, auteur d'Un jardin pour Eugénie, la dernière impératrice au Cap Martin aux éditions Somogy, édition d'art. Oui, c'est un bel album, c'est un livre d'art, effectivement. Alors Étienne Chilot, il faut dire, et je me faisais cette réflexion en préparant l'émission, que très rares sans doute dans toute l'histoire de l'humanité auront été les femmes qui auront eu d'aussi belles demeures que l'impératrice Eugénie. Elle avait des maisons partout. Alors, on en connaît un certain nombre. Les habitués de Biarritz connaissent le Grand Hôtel, évidemment, qui a été la villa d'Eugénie à Biarritz. On connaît le somptueux palais du Pharo à Marseille. On connaît, bien sûr, l'incroyable château de Pierrefonds que Viollet-le-Duc avait complètement redressé, restauré pour elle. Et il en avait fait une sorte de palais de contes de fées qui, aujourd'hui, sert de décor à la série télé Merlin. Hein. C'est une chose avec des clochetons, des tours, des créneaux. Enfin, c'est immense. Et c'était uniquement pour que l'impératrice, pendant ses séjours à Compiègne, vienne tranquillement prendre le thé avec ses dames. Donc, elle a été très, très, très gâtée. Et voilà que sur le tard, alors qu'elle n'est plus impératrice, bien entendu, alors qu'elle est veuve, alors qu'elle est une mère éplorée, eh bien, elle va se prendre de passion pour la Côte d'Azur et faire construire une nouvelle villa. Exactement. C'est une époque où elle arrive de l'Angleterre et où elle cherche à récupérer, retrouver une santé qui a été plus ou moins meurtrie par le temps Mossad qui fait en Angleterre. Oui. Donc du coup, Mérimée lui avait conseillé de descendre. Elle avait les bronches fragiles de toute façon. Elle avait les bronches fragiles. Oui, exactement. Elle avait beaucoup de rhumatisme également. Et donc Mérimée a lui a conseillé de venir à Cannes. Et puis finalement, elle a préféré Nice. Nice où la reine Victoria avait déjà donné l'impulsion de cette migration britannique sur la Côte d'Azur. Nice, donc elle va y séjourner quelque temps à la Villa Frémy. Et puis elle va comme ça aller de ville en ville visiter, comme vous le disiez tout à l'heure, Venise, d'autres villes de la Méditerranée. Et d'un retour de San Remo où elle était en séjour, elle passe par Menton, Monaco, Menton où la reine Victoria également avait séjourné quelque temps auparavant. Et elle va séjourner dans un hôtel qui vient d'ouvrir au Cap Martin, le grand hôtel, le Cap Martin Hôtel, qui avait été construit par un promoteur anglais. C'est tout à fait ravissant comme endroit, hein, il faut dire. C'est un des plus beaux lieux d'Europe, tout simplement. Le panorama, la splendeur de la végétation, tout est extraordinaire, le climat merveilleux. Alors c'est très très beau aujourd'hui, mais il faut imaginer ce que ça pouvait être dans l'état quasi sauvage de l'époque encore. Hein. On est à la fin du 19e siècle là. C'est... Exactement, c'est un endroit qui est encore sauvage et il faut s'imaginer que la Côte d'Azur, on se la représente aujourd'hui bon, avec la jet set, avec les palmiers, avec les cactus. Il faut s'imaginer qu'à cette époque-là, cette végétation est naissante, c'est-à-dire que ce ne sont pas des espèces endémiques hein, sur la Côte d'Azur, les cactus, les espèces exotiques. Et donc, elle arrive à une période où cet endroit sauvage, éloigné, sauvage et aride, eh bien, tout d'un coup se transforme. Et se transforme tant au niveau de la végétation globale, hein, de la Méditerranée et de la Riviera, mais également dans les demeures privées, les villas. Bien sûr. Alors, c'est le patron de l'hôtel lui a donné l'idée, en quelque sorte, de faire bâtir ici une villa. Elle avait le goût de l'architecture, elle avait le goût des décors. Ça faisait partie de sa vie, d'une certaine manière. Hein. Oui, et puis on s'étonne presque qu'à presque 70 ans, elle décide de redonner, d'avoir un regain comme ça d'énergie pour reconstruire. C'est un travail colossal, bien sûr. Donc c'est... Tous ceux qui font des travaux savent de quoi je parle. Et donc, c'est ça qui est étonnant, parce que elle est finalement apaisée de ses démons antérieurs, c'est-à-dire elle a perdu un empire, elle a perdu un mari, elle a perdu un fils, et la même année d'ailleurs que son fils, elle perd sa mère. Donc elle est complètement coupée, si on peut dire, de la vie familiale, sociale même, et elle décide eh bien, d'utiliser les dernières années de sa vie à régénérer cette seconde moitié de son existence. Et finalement, elle y arrive, puisque elle a beaucoup de placements hein, dans les banques. Alors voilà, justement, un de nos auditeurs, Jacques, nous dit, mais quels étaient les revenus de l'ancienne impératrice pour pouvoir faire de tels travaux, justement ? Alors justement, elle a beaucoup de moyens parce que elle a réussi à entamer des procès en France pour réaliser la distinction entre la liste civile et la liste privée de ses biens en France. Ce qui, parmi les biens innombrables de la famille impériale, lui appartenait personnellement, puisqu'il devait de revenir à la Nouvelle République, bien Exactement. Entendu. Exactement, donc c'est des procès très importants. C'est intéressant d'ailleurs de voir que pendant très longtemps, cette famille impériale est mise totalement à l'écart, on en a peur même, il faut le dire, à Paris. Et puis petit à petit, l'impératrice devient une familière de la République, si je puis dire, et les différents présidents du Conseil, les différents ministres vont peu à peu se mettre à la respecter, elle devient quasiment un monument national, si j'ose cette expression assez peu respectueuse. Tout à fait. C'est assez étonnant également de voir que le gouvernement, petit à petit, autorise l'impératrice à passer par la France pour aller en Espagne. Et puis, elle ne représentait plus vraiment... Elle n'était plus un danger. Voilà, elle n'était plus un danger pour la stabilité de l'État. Voilà, exactement. Oui. Donc, on lui permet. Et puis, c'est lors de ce passage au Cap Martin Hôtel, au Cap Martin, donc près de Monaco, entre Monaco et Menton, que le directeur de l'hôtel, le promoteur d'ailleurs de l'hôtel, lui propose un terrain aux abords de cet hôtel, et c'est à partir de là qu'elle va décider de s'y installer et de le faire discrètement, puisqu'elle demande à Sadi Carnot, même enfin au gouvernement de la République, si elle aurait le droit de séjourner plus longuement pour les périodes d'hiver, puisque dans le midi à l'époque l'hiver, le temps passé dans le midi c'était l'hiver, puisque ce n'était pas l'été, il faisait trop chaud l'été, donc on y passait l'hiver hein, dans le midi. Alors évidemment, Cyrnos, ce n'est pas seulement une très belle villa, c'est aussi des jardins magnifiques que vous nous décrivez à l'envi dans ce bel album. On va y venir dans un instant. Ce qu'il faut peut-être décrire, c'est le style de la maison elle-même. À quoi ressemble cette villa Cyrnos ? Cyrnos, ça veut dire la Corse en grec, et c'est une allusion évidemment au berceau de la famille Bonaparte, hein, c'est Exactement. Évident. Et puis c'est aussi parce qu'on peut la distinguer par temps clair le matin, très tôt le matin. On l'aperçoit dans les brumes. Voilà, exactement. Elle cherche finalement à boucler une boucle, si j'ose dire, entre le fondateur de la dynastie Napoléon qui est né en Corse, la famille Bonaparte est issue de la Corse, et cette péninsule du Cap Martin qui finalement est là où elle va pratiquement finir ses jours, et comme elle n'a plus d'enfants, elle finit à elle seule finalement cette grande légende Bonaparte, napoléonienne, et elle décide d'appeler, de baptiser sa villa Cyrnos. Effectivement, cette villa est une villa, bon, je veux dire, c'est un pur style Riviera. Hein. C'est un architecte qui s'appelle Tersling qui va additionner plusieurs styles dans un style, enfin il y a un style palatial avec des elle est représentée, en fait c'est un bâtiment qui présente donc une tour belvédère, hein, qui chapeaute le tout, et puis avec une rotonde à colonnade, avec quelques notions de Grèce, d'antiquité en tous les cas, et puis aussi un style pompéien au niveau des loggias, et puis surtout une terrasse, parce que à l'époque on construit une villa, on installe autour de cette villa un jardin, et dans cette région il faut recevoir, et recevoir on reçoit pas à l'intérieur, on reçoit à l'extérieur, et donc ces terrasses sont très importantes, et c'est notamment parce que ce que vous nous dites et ce que vous écrivez, c'est que les jardins sont des salons en quelque sorte, hein, à cette époque. C'est l'équivalent méridional du salon parisien d'une certaine manière. Exactement. Hein. C'est une extension du salon. D'ailleurs, un grand salon par lequel on accédait à la terrasse, et donc c'était par exemple le grand salon de la Villa Cyrnos est encore en l'état aujourd'hui. C'est un véritable salon néo Louis XVI, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle était très classique dans ses goûts. Oui, puis fascinée par Marie-Antoinette. Hein, c'est ça. Donc c'est une femme qui va vraiment s'entourer de meubles Louis XVI, et donc cette extension du grand salon néo Louis XVI sur le jardin, voilà, va être très important à cette époque. Donc la terrasse, voilà, le salon, la terrasse, le jardin. Alors cette terrasse, ce jardin, il faut les imaginer peuplés des altesses royales de l'époque. J'ai parlé de Sissi, on a dit un mot de Victoria. Qui rendait visite à l'impératrice, à la vieille impératrice Eugénie ? D'abord des familiers de l'Empire, du Second Empire, les enfants de ces familiers, puisque faut bien imaginer que l'impératrice a 70 ans quand elle s'installe dans le sud de la France, et puis ensuite elle va vivre jusqu'à 94 ans, donc c'est une femme qui va recevoir... Jusqu'en juillet 1920, elle mourra des suites d'une opération de la cataracte. Et si on y réfléchit bien, ça fait 94 ans qu'elle est décédée seulement. Et oui, c'est ça. Cette femme qui... Elle a vécu aussi longtemps que le temps qu'il nous sépare d'elle. Exactement, et cette femme qui, dans sa prime jeunesse, en tous les cas, a côtoyé des aristocrates qui avaient dansé aux Tuileries avec Marie-Antoinette. Donc, c'est assez étonnant, la contraction du temps de cette manière. Oui, ces grands destins qui, en même temps, sont de vivre très, très vieux, nous donnent le sentiment que l'histoire est là, qu'on pourrait presque la toucher d'une certaine manière. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je sentais qu'on pouvait effectivement toucher du doigt une grande partie de l'histoire grâce à elle et grâce à ses Du reste, je disais tout à l'heure que le souvenir de l'impératrice Eugénie s'était un peu évanoui, estompé dans la mémoire collectif, ça n'est peut-être pas si vrai, et notre auditrice Eugénie nous dit « Je m'appelle Eugénie, je suis d'origine andalouse, j'ai passé toutes mes vacances d'été au Pays Basque, en plus d'avoir une passion pour l'Empire, mais c'est surtout la femme et son ambition que j'apprécie », nous dit-elle, comme quoi l'Eugénie d'hier peut encore donner quelques idées et quelques ambitions aux Eugénies d'aujourd'hui. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Oh, Un extrait de Faust, l'opéra de Charles Gounod. C'était la demeure chaste et pure interprétée par l'orchestre de l'Opéra de Paris. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de l'impératrice Eugénie, avec votre invité Étienne Chillot, historien spécialiste de la chute des monarchies européennes, auteur d'Un jardin pour Eugénie, la dernière impératrice au Cap-Martin, aux éditions Somogy, édition d'art. Alors, quelle vie l'impératrice menait-elle, justement, dans cette villa Cyrnos, et d'une manière plus générale, dans les diverses villégiatures qu'elle fréquentait lorsqu'elle n'était pas en mer, à bord de son yacht, Sistel? Est-ce que c'était une vie fastueuse, une vie toujours joyeuse, ou au contraire la vie d'une recluse ou d'une très vieille dame? Dites-nous ça, Étienne Chillot. Aux yeux de la presse de l'époque, on pense qu'elle était recluse, mais en revanche, elle avait une vie. Comme ça qu'on la voyait de l'extérieur. Exactement. Ouais. Elle était en fait très discrète. Elle respectait l'incognito imposé par le gouvernement français et elle avait une vie, en tous les cas à la Villa Cyrnos, qui était moins protocolaire qu'à Fernando. D'ailleurs, c'est Lucien Daudet, le fils d'Alphonse, qui était un récurrent des invités de la villa, qui le dit. C'est une vie à la Villa Cyrnos. Tout à l'heure, j'ai cité un petit texte de Jean Cocteau. Lorsqu'il a croisé la silhouette de l'impératrice Eugénie, il était avec Daudet, fils. Il l'a vraiment rencontré. Effectivement, il l'a rencontré, et c'est grâce à Lucien Daudet, d'ailleurs, que Jean Cocteau a rencontré l'impératrice Eugénie. Elle était entourée de la jeunesse. Hein. Elle voulait se faire entourer par des personnes jeunes, dynamiques, portées sur les nouveautés, les technologies. Donc, elle recevait dans sa villa des personnalités qui, en même temps, comme il n'y avait pas de protocole, venaient ici de manière très civile. L'impératrice ici venait, la reine Victoria, l'empereur François-Joseph, on annonça même le tsar Nicolas II et bien sûr le prince Albert Ier de Monaco. Alors justement, votre ouvrage est préfacé par l'actuel prince souverain de Monaco, par Albert II. On est tout près de Monaco, hein. On est Menton, Monaco, Cap-Martin, tout ça c'est un seul et même morceau de paysage. D'accord. D'ailleurs, depuis la villa, on peut voir le rocher. Exactement. Monaco. Hein. Donc lorsqu'elle vient sur le Cap Martin, lorsqu'elle découvre le Cap Martin, elle adresse d'ailleurs, c'est la première page du livre, elle adresse d'ailleurs une lettre, on pourrait croire que c'est une ironie de l'histoire cette lettre, mais elle adresse une lettre au prince Albert Ier de Monaco en lui disant qu'elle est dans l'enchantement du Cap et qu'elle est un peu déçue finalement que cette propriété ne soit plus la sienne. Effectivement, le Cap Martin a été annexé par la France, par le mari d'Eugénie, hein, Napoléon III, à l'époque de l'annexion de Nice et la Savoie en 1860. Donc, en 1861, le Cap Martin est délaissé complètement par le prince de Monaco sous la force de Napoléon III. Et donc, lorsqu'elle s'installe là, elle pourrait avoir des rapports plutôt conflictueux avec ce prince. Eh bien non, elle a des rapports quasi filiaux avec ce prince qui a presque le même âge que Loulou. Et donc, il y a un intérêt commun pour les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies qui a à la fin du 19e siècle, début 20e, et puis cet élan aussi de pouvoir fédérer l'Europe avant l'inévitable premier grand conflit mondial. Le prince Albert de Monaco, Albert Ier, est très investi dans cette fédération des États de l'Europe. Et Eugénie, elle représente elle seule finalement cette fédération avec de l'Europe, avec des origines espagnoles, des liens familiaux avec l'Italie. Elle habite l'Angleterre. Elle a d'ailleurs rendu un vrai service et un ultime service à la France. Il faut raconter ça. C'est très intéressant puisque elle avait reçu au moment de la chute du Second Empire, elle avait reçu de la main de Guillaume de Prusse, hein, du futur empereur, enfin de celui qui était le Guillaume. Grand-père, je cherchais voilà. Le grand-père de Guillaume II de Prusse, elle avait reçu une lettre expliquant que les causes du rattachement à l'Allemagne, enfin à la toute nouvelle Allemagne, à l'Empire allemand de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, avaient des buts et des visées purement stratégiques et non pas, que sais-je, ethnographiques, nationales ou que sais-je. Et donc, c'était un argument considérable pour la récupération de ces deux provinces par la France. Et l'impératrice va fournir au gouvernement français cette lettre qui va jouer un rôle non négligeable dans la négociation du traité de paix de 1919, comme si en quelque sorte l'impératrice avait voulu rendre service une dernière fois ou venger un peu la mémoire de son mari, c'est on peut dire. Ça. Elle vit assez longtemps pour réparer... Réparer les dommages de l'histoire. Les dommages de Sedan de 1870, où elle garde cette lettre du roi de Prusse à l'époque, qui après deviendra empereur d'Allemagne, pour montrer que, eh bien, d'ailleurs Clémenceau s'en servira, puisque l'Alsace-Lorraine, à la fin de la Première Guerre mondiale, n'est pas une priorité pour les plénipotentiaires au traité de Versailles pour que la France la récupère. Et donc l'impératrice Clémenceau va demander à l'impératrice cette lettre où le roi de Prusse à l'époque, l'empereur d'Allemagne, stipule bien qu'il s'agit pour lui d'une annexion uniquement dans un sens de pour avoir une zone tampon, une zone franche, pour éviter de se faire envahir, mais en même temps pour pouvoir envahir plus facilement la France. Et donc en donnant cette lettre aux plénipotentiaires, Clémenceau s'assure en tous les cas que le terrain est bien français et non germanique. On désarme une grande partie des arguments que pourrait avancer la délégation allemande. Voilà. J'ai sous les yeux une très belle photo. Il faut dire qu'il y a beaucoup de clichés anciens, puisqu'on est à une époque où il y avait déjà la photographie, bien entendu. Une très belle photo de l'impératrice, qui est devenue une très vieille dame, bien sûr, sur le perron de la villa, au milieu d'une végétation absolument luxuriante. Elle porte beau encore, hein. Elle a beaucoup d'allure, elle est presque aussi droite et digne que sur les grands portraits officiels du temps où elle était impératrice des Français. Hein. Ce port altier, propre à toutes ces grandes souveraines de la fin du 19e siècle, elle l'a toujours. C'est vrai que ce livre, en fait, a d'intérêt aussi par l'image, parce que moi, j'ai découvert, à travers le récit, à travers les découvertes que j'ai faites, des photographies de cette époque. Donc, des photographies incroyables de l'intimité de la dernière souveraine de France, dans cette villa qui devait rester très discrète. Donc on a des photographies que j'ai pu moi découvrir dans des malles de descendants, de domestiques et de secrétaires qui étaient des plaques de verre. Hein. Donc ces plaques de verre montrent l'impératrice dans son intimité, en train de jouer, de parler, de se balader. Et puis là, on a aussi des images des autochromes, on appelle ça des autochromes, des images montrant la villa à l'époque de l'impératrice, 1910-1920, où l'on voit la villa en vraie couleur de l'époque. Ce qu'on aimerait, c'est voir un tout petit peu plus la villa aujourd'hui. À qui appartient-elle, cette villa? Qui en est propriétaire aujourd'hui? Actuellement, elle reste privée, hein, cette villa. J'ai eu l'occasion de pouvoir y aller. C'est une villa qui est restée dans l'état, hein, donc sa propriétaire, on est... Sur un plan historique, tout est encore là? Ah oui, ouais. Pratiquement. Peu d'aménagements ont été faits et d'ailleurs, on découvre dans le grand salon actuel les mêmes boiseries, les mêmes tentures de soie, avec des motifs, des chinoiseries au mur, comme à l'époque. D'ailleurs, on peut comparer dans le livre certaines images de l'époque en autochrome et des images actuelles de la villa qu'on peut voir. Alors, j'ai parlé de végétation luxuriante il y a quelques minutes. C'est que Cyrnos, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement une villa, ce sont aussi des jardins. L'impératrice d'emblée est consciente de leur importance essentielle dans une propriété de la Côte d'Azur et elle confie ses jardins à un maître, il faut le dire, Étienne Chillot. Exactement, Ludwig Winter est le paysagiste de ce jardin. Ludwig Winter est celui qui a implanté le palmier sur la Côte d'Azur, pratiquement de manière très globale, hein, sur la Côte d'Azur, et il était installé à Bordighera. Et cet homme va être commandité par l'impératrice pour élaborer des jardins sur un endroit très aride, très sauvage. C'est de la roche calcaire, donc c'est très difficile. Donc on va dynamiter pratiquement ces roches pour amener les tombereaux de terre sur ce Cap Martin et puis donner un aspect comme s'il avait 100 ans. Hein. Donc, faut bien s'imaginer qu'à cette époque, tout s'est fait à main d'homme, à dos d'homme. Et il y a des ouvriers qui vont venir travailler d'arrache-pied pour élaborer ce jardin en 4 ans à peu près, date de période de construction de la villa et en même temps d'installation du jardin. Donc, un architecte qui s'appelle Tersling, un paysagiste qui s'appelle Winter, Ludwig Winter. Et parmi ces ouvriers, le paysagiste, eh bien, il va y avoir un jeune homme, Jean Pizzi, qui va se démarquer et l'impératrice va décider avec son génie de le prendre comme chef jardinier. Mmh. Et c'est d'ailleurs grâce à son petit-fils qui est toujours vivant, qui a connu ce grand-père, que j'ai pu connaître son histoire. Il a beaucoup, enfin, il a écrit en partie, et c'est cette mémoire qu'il a voulu, que ce petit-fils du jardinier a voulu me transmettre, que j'ai en même temps pu réécrire ici. Alors évidemment, on pourrait multiplier les voies d'accès à ce petit paradis, à cet endroit extraordinaire de la Côte d'Azur. Est-ce qu'on peut dire que la Villa Cyrnos est, j'allais dire la plus belle, peut-être pas la plus belle, mais la plus archétypale des grandes villas à jardin de la Côte d'Azur? Et en plus, elle survit, elle est toujours là. Elle est archétypale, puisque elle est la première pratiquement dans cette région de la Côte d'Azur, puisque faut s'imaginer que cette région a été ouverte à l'affluence touristique et au Gotha européen qu'à partir des années 1860-70, c'est-à-dire à partir du moment où on installe le train. Et avant cela, tout était vers Marseille, Cannes. Faut s'imaginer que dans le temps, pour arriver jusqu'à Menton et Monaco, il fallait passer par la mer. Donc à partir du moment où on arrive par le train, eh bien là, tout d'un coup, la zone est beaucoup plus facile d'accès, et Eugénie va être l'une des premières à s'y installer et à construire une magnifique villa pour l'époque, qui avait l'un des plus beaux jardins de la Côte d'Azur. Un jardin pour Eugénie, la dernière impératrice au Cap Martin, par Étienne Chillot, avec une préface de Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. C'est édité par Somogy, édition d'art. Merci beaucoup Étienne Chillot. On aurait énormément de questions, hein, puisque les auditeurs veulent savoir tout sur la fortune de l'impératrice, sur ce que sont devenus ses bijoux. Rappelez-vous l'extraordinaire parure d'émeraude qu'elle avait offerte à sa filleule, la reine d'Espagne, et elle les avait cachés, vous savez, sous une paire d'éventails. Et donc la reine d'Espagne, pas très curieuse, n'a jamais soulevé les éventails. Et c'est seulement dans les années 1930, au moment de la Révolution espagnole, que en déménageant ses affaires, elle ouvre la boîte, un éventail tombe et elle découvre en dessous la somptueuse parure d'émeraude de l'impératrice Eugénie. Sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Bastien. Il s'interroge sur les origines des méthodes de substitution à l'allaitement. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Bastien. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Il est tout jeune papa et s'interroge sur l'apparition des méthodes de substitution à l'allaitement, telles que le biberon, les nourrices, etc. Que serait-ce s'il était jeune maman? Mais oui. Alors, dans l'Antiquité, on avait déjà recours aux nourrices. Évidemment, ces femmes étaient payées pour donner le sein à la place de la mère. On a trouvé ça à toutes les époques. Hein. J'allais dire dans toutes les civilisations. Là, ça nous entraînerait sur un terrain complexe. Mais en tout cas, en Occident, à toutes les époques, il s'agissait de protéger la poitrine des mamans, et surtout il s'agissait vous savez, il y avait toute la question des montées de lait. Il fallait pas tomber à nouveau enceinte, pouvait tarir le lait d'une maman. Donc d'une façon générale, on confiait volontiers, quand on en avait les moyens, quand on en avait le statut, on confiait les enfants à des nourrices. Alors il n'existait pas à l'époque de véritable alternative à l'allaitement, comme le biberon que nous connaissons aujourd'hui, même s'il y a eu des biberons, des sortes de biberons depuis une période vraiment très ancienne. On a retrouvé, lors de fouilles, plusieurs modèles de ce qu'on pense pouvoir avoir été des biberons, notamment un vase en verre ou en terre cuite doté d'une petite ouverture d'environ 2 cm et d'un goulot sur le côté. On pense que cet instrument permettait de nourrir l'enfant, alors que des études plus récentes ont montré qu'il s'agissait peut-être en fait d'un tire lait. Toujours est-il qu'on voit ça dans la plus ancienne antiquité, dans le plus ancienne antiquité. Ce n'est qu'au Moyen-Âge que sont inventées des réceptions rappelant le processus d'allaitement. Tout a commencé avec des cornes de vache percées. Elles étaient nettoyées, on y fixait un petit embout de cuir ou de bois en guise de tétine, et c'est à cette époque qu'apparaît également la chevrette, un petit vase à goulot et en terre cuite, en verre ou en étain. Et puis alors ensuite, on va avoir les vrais biberons, ceux que nous connaissons bien entendu, qui vont se répandre. Alors, au XIXe siècle, les questions d'hygiène deviennent de plus en plus prégnantes. Les biberons rouillés sont légion. Les méthodes de conservation du lait laissent souvent à désirer. Elles entraînent chez l'enfant d'importants troubles digestifs. Et en 1889, un grand tournant s'opère. Alors, à ce moment-là, on va avoir l'autorisation, en quelque sorte, d'utiliser le lait bouilli. Le Congrès international de l'hygiène se prononce en faveur du lait bouilli, afin de diminuer les risques de bactéries. La pratique va un certain temps s'imposer dans les foyers, mais les résultats sont assez spectaculaires, et c'est cette pratique de faire bouillir le lait qui va réduire considérablement le taux de mortalité infantile. Après ça, évidemment, le biberon va se répandre. Vous savez, il y avait la maison Robert qui fabriquait des biberons, d'où d'ailleurs la mauvaise plaisanterie, hein, le surnom des Robert pour désigner la poitrine féminine. Et puis, ça c'est dans les années, c'est sous le Second Empire, justement dans les années 1860. Et puis plus tard, au milieu du XXe siècle, on va voir arriver le biberon que nous connaissons à l'époque en bakélite et puis en plastique, tout simplement. Bonjour Marion Ruggieri. Bonjour Franck, vous allez bien ? Très bien, vous aussi ? Eh bien ça va très bien, car aujourd'hui nous recevons, figurez-vous, le grand chef cuisinier Yves Candebordes, que certains connaissent à travers l'émission Masterchef. Et puis nous recevrons aussi une jeune auteure qui s'appelle Leïla Slimani, qui a écrit un livre, l'histoire d'une sex-addict dont tout le monde parle en ce moment. Merci beaucoup Marion. Alors je profite, puisque pour une fois j'ai un tout petit peu de temps, j'en profite pour vous signaler que lundi prochain à 20h40, nous diffuserons le deuxième numéro de L'ombre d'un doute, le nouveau numéro de cette saison. Ça parlera de l'affaire Louis XVII, donc nous irons étudier de très près tout ce qui peut permettre aujourd'hui de savoir si oui ou non le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette est bien mort au Temple en juin 1795. Vous savez que certains remettent totalement en cause cette version. Certains disent qu'en fait l'enfant aurait été substitué, qu'il aurait survécu, et il y a même eu des prétendants, il y en a eu de nombreux. Il y en a un qui est très célèbre, il s'appelle Charles-Guillaume Naundorff, et ce Charles-Guillaume Naundorff a eu ses partisans. On a oublié peu à peu son cas, et puis grâce à des études ADN très récentes, le cas est en train de ressortir. Ce sera donc lundi prochain à 20h40 sur France 3. Et puis je vous rappelle le titre de l'ouvrage de notre invité, Un jardin pour Eugénie, d'Étienne Chilot chez Somogy.